Mon frère avait raison, Adeline, lui dit-il en la prenant par la main. Je suis indigne de la vie de famille. Je n'ai pas osé bénir autrement que dans mon cœur mes pauvres enfants, dont la conduite a été sublime. Dis-leur que je n'ai pu que les embrasser, car d'un homme infâme, d'un père qui devient l'assassin, le fléau de la famille, au lieu d'en être le protecteur et la gloire, une bénédiction pourrait être funeste. Mais je les bénirai de loin, tous les jours. Quant à toi, Dieu seul, car il est tout-puissant, peut te donner des récompenses proportionnées à tes mérites. « Je te demande pardon, » dit-il en s'agenouillant devant sa femme, lui prenant les mains et les mouillant de larmes. « Hector, Hector, tes fautes sont grandes, mais la miséricorde divine est infinie, et tu peux tout réparer en restant avec moi. Relève-toi dans des sentiments chrétiens, mon ami. Je suis ta femme et non ton juge. Je suis ta chose. Fais de moi tout ce que tu voudras. Mène-moi où tu iras. Je me sens la force de te consoler, de te rendre la vie supportable, à force d'amour, de soins et de respect. Nos enfants sont établis, ils n'ont plus besoin de moi. Laisse-moi tâcher d'être ton amusement, ta distraction. Permets-moi de partager les peines de ton exil, de ta misère, pour les adoucir. Je te serai toujours bonne à quelque chose, ne fût-ce qu'à t'épargner la dépense d'une servante.